personne d'honnête. Je dois niquer des mères. J'ai pas ton temps. Je dois niquer des mères. Ce que t'entends est vraiment véridique. Je dois niquer des mères. Je sais que tu kiffes la mélodie, mais je dois niquer des mères. De toute façon, y'a personne d'honnête. Je dois niquer des mères.